Les pompiers sont armés par la police, protection et dégagement des voies vitrales. La gendarmerie opère un effectif réduit de 75% en 2048. Les routes sont bien entretenues de tout désattendu. Contrôle de papier, on se connaît. Étoile sur le permis de conduire, permis B, ajouté, savoir de conduire, autopilotage enclenché. L5 sont là, laboratoire technique, reconstruction du corps humain. Les grosses sont imbaisables et piègent leur jeu. Marseille a 6 buts, une capitale de France du footman qui récolte la France et donne le turbo. Diable rouge est là et le diable a déménagé. Le soleil, ce réalisme, envie et salue. Plus de vie, nos terres sont cultivables et restaurables. Les Men in Black, nouvelle race technique dans une autre orifice sont là. Nos amis de la galaxie bleue sont potes et hip-hop comme du hip-hop partage commun. Le pare-feu de l'Unix est induit. New faille de sécurité dans le noyau impétable. Aucune météorite à grimper. Nous sommes pénales d'elle où la vie a commencé sur Terre, petit parasite. Le film passé virtuel est là, après ça avec l'essentiel. La nouvelle Bible de Dieu de tout là-haut est remasterisée. Le cochon est bon, sauf ce qui est digère jusqu'à l'arrière. Rien. Les sorcières étaient là bien avant elles. Nous on donnait des guérisseurs sur Terre. Le professeur d'échecs calcule le système mathématicien. DBZ2 est au centre de notre univers. La nouvelle Terre 2.1 se nourrit pour fonctionner. La nourriture au commerce en passant par les usines pour ce recyclage et se nettoyer coopère sur le marché. On a craché le système sauvegarde sur CD du système 10 de Javon 1. Voir magie blanche iconique, mage marche fort, je démontre. Météo France est là comme Matrix, on maîtrise les 5 éléments. Le soleil capte les éoliennes, marche fort, la fibre est installée, il n'y a plus qu'à raccorder. Il faut une génération d'hommes mortes, je rajeunis petit génie. Les singes, génération humaine, mangent que des bananes. Accélération du temps, on passe le temps de 24 heures à 24 heures chrono. Les jeux vidéo sont en immersion 2.0, d'ici 5 nouvelles cartes, grand décor. Des ovules sont tous là-haut et nourrissent le système solaire. Aïe aïe aïe, attention, j'arrive sur Mir. Pare-feu créé pour le système 10 à l'heureux. Les yeux sont lix, couleur illimitée. Les invisibles viennent tout soigner pour la grande aventure.